Justice, dites-vous. Qu'appelez-vous justice? Qu'on s'entraide, qu'on soit des frères, qu'on vêtisse ceux qui sont nus, qu'on donne à tous le pain sacré, qu'on brise l'affreux bagne où le pauvre est muré, mais qu'on ne touche point à la balance sombre. Le sépulcre, ou pensif, l'homme naufragé sombre, au-delà d'aujourd'hui, de demain, des saisons, des jours, du flamboiement de nos vains horizons et des chimères, proie et fruit de notre étude, à son ciel plein d'aurore et fait de certitude. La justice, anélastre immuable et lointain. Notre justice à nous, comme notre destin, est tâtonnement, trouble, erreur, nuage, doute. Martyr, je m'applaudis. Juge, je me redoute. L'infaillible, est-ce moi? Dit. Est-ce toi? Réponds. Vous criez. Nos douleurs sont notre droit. Frappons. Nous sommes trop en butte au sort qui nous accable. Nous sommes trop frappés d'un mal inexplicable. Nous avons trop d'odeuil, trop de joues, trop d'hiver. Nous sommes trop souffrants dans nos destins divers. Tous, les grands, les petits, les obscurs, les célèbres, pour ne pas condamner quelqu'un dans nos ténèbres. Puisque vous ne voyez rien de clair dans le sort, ne vous hâtez pas trop d'en conclure la mort, fût-ce la mort d'un roi, d'un maître et d'un despote. Dans la brune insondable, où tout saigne et sanglote, ne vous hâtez pas trop de pendre vos malheurs, vos jours sans feu, vos jours sans pain, vos cris, vos pleurs, et ce deuil, qui pour vous et votre race tombe, pour les faire servir à construire une tombe. Quel pas aurez-vous fait pour avoir ajouté à votre obscur destin, ombre et fatalité, cette autre obscurité que vous nommez justice? Faire de l'échafaud, menaçante bâtisse, un autel à bénir le progrès nouveau-né, ô vivant, c'est démence. Et qu'aurez-vous gagné quand, d'un culte de mort, lamentable ministre, vous aurez marié ces infirmes sinistres, la justice boiteuse et l'aveugle en anquet?